La belle découverte, 18h-18h30. Bonjour à tous, vous êtes bien dans La Belle Découverte. Aujourd'hui et pendant une demi-heure, on va s'attacher à décortiquer l'album de Deluxe. C'est un album qui n'est pas sorti récemment, expressément on fait un arrêt dessus parce que c'est un album génial de plusieurs artistes qui déchirent. L'album s'appelle Deluxe Family Show, il est sorti le 16 septembre 2013. Et du coup, pour nous présenter le groupe Deluxe, eh ben, je te désigne toi, Toum, pour nous expliquer un petit peu et nous faire une grande biographie. Oui, toi. Eh bien, l'histoire de Deluxe, elle commence il y a 8 ans, avec 5 mecs qui s'amusent en jouant à tue-tête dans les rues d'Aix-en-Provence. À la fois spontané et barjo, ils vont commencer à distiller un délire hip-hop, jazz, funk et ultra groovy. Un délire assez unique, avec des instruments aussi sexy les uns que les autres. Une contrebasse, un piano vintage, la MPC, une caisse claire et des saxophones. Alors il n'y a pas fallu longtemps pour que les 5 gaillards arrivent à donner du plaisir à toutes les passantes de la ruelle du Vieux-Aix. Pour calmer leur testostérone, ils vont recruter Lily Boy, une chanteuse avec une patate méga OGM et une allure également très sexy. Car oui, Deluxe, c'est plutôt un groupe sexy. Comment dénote leur symbole ? Une moustache qu'ils portent fièrement sur scène. La moustache, est-ce que c'est encore sexy la moustache ? Gauthier, je te demande, toi qui es fan de Freddie Mercury. Une femme avec une moustache, moi ça me choque complètement, comme tu dis, vu que je suis fan de Freddie Mercury, donc voilà. Mais ce n'est pas tout, oui. Ils ont aussi des tenues noires et ordorées. Des tenues, franchement, je suis sûr que Stéphane Bern et Bettencourt, ils n'ont pas la même, tu vois. Non, mais ils n'ont pas un truc comme ça, tu vois. Ils rêveraient de ça. C'est un truc unique, quoi, et qui coûte bien moins cher et c'est aussi bien, tu vois. Bon, la suite, on la connaît, hein. Chinese Man Records, ils vont signer un acte d'adoption avec eux, ils vont produire ce groupe et puis ils vont l'emmener en tournée pour les 10 ans de Chinese Man. Ils vont notamment passer à Nancy en mai dernier dans un zénith qui était quasiment complet et une ambiance bien torride. Ah, exactement. Bon, ils sont aussi très actifs sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, leur dernier post sur Facebook, je vous le cite, ça vaudrait peut-être le coup comme on n'a pas encore l'occasion d'écouter l'album. Ils ont écrit « Si on passe le cap des 100 000 likes, on vous balance un nouvel extrait de la maquette du prochain album. » Donc il faut partager et liker à fond. Carrément, rejoignez leur page parce que là, nous, on vous présente justement l'album d'avant pour que vous ayez vraiment l'envie d'aller découvrir ce groupe qui déchire. Donc 100 000 likes, c'est le prochain objectif. Et on va se faire justement le titre le plus connu de Deluxe, c'est « Pony ». I La belle découverte, 18h-18h30. Petit, je l'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Alors là, je crois qu'on s'est planté d'artiste. Il me semble que ça, c'est Hocus Pocus, Petit Pays, qui t'a t'aimé, non? Non, c'est Negmaron. Ah, c'est Negmaron. Ouais, Hocus Pocus, de toute façon, ils ont rien inventé. Non, mais... non, mais je crois que les deux l'ont reprise. Tu me disais quoi? T'as une anecdote, ouais, Alex, ouais, là-dessus? Sur ce morceau, ouais, parce que vous savez que ce morceau, Pony, il a été composé à Lyon, mais dans un grenier et avec des casseroles. Ah ouais? Eh ouais, parce que Deluxe voulait justement jouer dans la rue et il a plu toute la semaine. Et comme il logeait chez l'habitant, se sont trouvés dans un grenier et c'est là que le morceau est né, juste dans un grenier et des casseroles, quoi. C'est excellent ça, parce qu'il y a plein de groupes qui se revendiquent d'être de la rue. Je pense notamment à Zaz, voilà, petite dédicace qui, à mon avis, elle vient pas vraiment de la rue. Et des groupes comme Deluxe qui n'en parlent pas des masses, et ben finalement, c'est eux qui ont la vraie expérience des rues, c'est cool. Oui. Je vous propose qu'on écoute dans la foulée un titre du nouvel album, découverte extraordinaire de la part d'Anthony. La chanson s'appelle Family Show et on écoute ça tout de suite. My D to the E to the L to the U to the X to the E to the top. Smacking, wrecking this fine place right to the ground. Hear my D to the E to the L to the U to the X to the E. Don't stop. Smacking, wrecking this fine place right to the ground. If you think you'll be sitting nice and cozy through the set, think again. I'm not kidding. You're about to get wet. Gonna get you sweating and working those sweat. La belle découverte, 18h-18h30. Nous sommes de retour dans La Belle Découverte et pour étudier au plus près cette chanson qui était donc Family Show de Deluxe, eh ben Anthony a tendu l'oreille. Qu'est-ce que tu as découvert ? Dis-nous que tu as trouvé un trésor musical. Effectivement, c'est quand même très très bien écrit. Pour le coup, là, on a vraiment une section cuivre assez complète. Tout à l'heure, on parlait de saxophone. Là, on peut entendre, par exemple, il y a un solo de trompette sourdine en plein milieu. Et carrément. Même dans l'intro, il y a plusieurs cuivres qui forment des nappes d'accords comme ça par petites touches. Des accords avec des harmonies très enrichies, enfin des accords jazz, pas seulement une fondamentale, une tierce, une quinte, comme j'ai pu l'expliquer dans des précédents labels découvertes qui forment un accord. Là, il y a vraiment des notes qui enrichissent encore ces harmonies-là. Le piano, lui aussi, après, une fois que les cuivres sont un peu plus discrets, plaque des accords, mais pareil, des accords très enrichis. Concernant la basse et la batterie, là, on voit qu'elles sont quand même très très sobres, avec des tenues qui viennent juste remettre une petite pulsation rythmique. Bah c'est peut-être ça qui, justement, qui leur donne un son groovy, en fait. Oui, complètement, complètement. Donc il y a vraiment cet attachement harmonique avec des harmonies très enrichies, très jazzy, et cette basse-batterie qui fait des tenues rythmiques beaucoup plus sobres, et la basse fait ce qu'on appelle des renversements d'accords, en fait. Parce qu'en règle générale, la basse, que ce soit en chœur ou en orchestre, a pour rôle de soutenir l'harmonie et donc de jouer les notes fondamentales de l'accord. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans plein de styles de musique, notamment le reggae par exemple. Oui, complètement, voilà. Et la basse, elle, s'attache juste à mettre la note fondamentale de l'accord, et là, la basse du coup s'attache à jouer d'autres notes de l'accord, pas seulement les notes fondamentales. L'harmonie est moins attendue, ouais, en fait. Et si elle est moins attendue, un peu plus surprenante. Surprend. Ouais, c'est ça. Et si elle surprend, du coup, c'est peut-être ça aussi qui donne encore plus le côté groovy, quoi. Ouais, bah ça, c'est quelque chose typiquement très jazz, de justement faire ces renversements, du coup, d'amener des harmonies un peu surprenantes. Et puis une dernière chose concernant les voix qu'on entend très bien, donc la chanteuse Lily Boy qui fait son chant avec une voix plutôt abrupte en opposition avec une autre chanson de l'album qui s'appelle To Doop, où là elle a vraiment, c'est une balade plus légère cette chanson, où elle a fait un effort de rondeur et de chaleur sur la voix. Et si on prête bien l'oreille, on entend qu'il y a un chanteur masculin qui fait exactement la même mélodie mais à l'octave du dessous, et parfois il la rejoint à l'unisson, il me semble sur les refrains, il fait exactement la même chose à l'octave du dessous, donc plus grave, et donc du coup ça s'entend beaucoup moins qu'une chanteuse qui est dans ses aigus et qui donne pleine puissance à sa voix, en fait. Et il y a un truc qu'il faut savoir également, c'est que justement le groupe Deluxe, c'est quasiment tous des personnes qui sont multi-instrumentistes. Justement, moi je les avais vus en concert, alors c'était au Watabar, et je les ai vus en plus avec Chinese Man à Nancy. C'est super impressionnant de voir comment ils peuvent se déplacer d'un instrument à l'autre. Alors il y en a un qui va de la MPC à la batterie, l'autre qui passe de la trompette à un autre cuivre, il me semble de mémoire, mais j'en suis pas sûr que c'était un trombone. Les gars sont vraiment très très impressionnants, c'est des vrais vrais bons musiciens, quoi. Effectivement, si on s'attarde un peu sur tout ce qui se passe dans l'album, il y a une autre chanson qui s'appelle Extra Mile. C'est pareil, c'est des harmonies très très jazz. On a une intro à la trompette et au saxo ténor qui joue à l'unisson. Il y a une guitare électroacoustique, des solos de sax, même des snaps, les claquements de doigts qu'on entend s'appellent des snaps. Il joue aussi de ça percussivement. C'est très très très très intéressant. Et une autre encore, une autre particularité, c'est dans Pretty Flows, une autre encore chanson de cet album, où là on a des cordes qui font des nappes harmoniques carrément, il y a des violons et des cordes. Donc c'est vraiment très très très très multitâche finalement. Multitâche qui peut te tâche. Justement, tu parlais de la chanson Extra Mile, et bah je propose qu'on l'écoute tout de suite. Peut-on savoir, mon ami, comment vous exercez actuellement vos talents ? Puisque cela vous intéresse, je termine, enfin je fais la dernière main, à une chose tout à fait passionnante. Sometimes to play. play you out, fool. Don't you know that my jewels are way more satisfied out before you lose? Cause it's the way my daddy made me die. And every day the wind be blowing, but we gotta get this done. Hello! I know sometimes I seem to seek another silly dream, but really trying to redeem your basement canteen. Is there anything to squeeze your wetsuit on? And swore you could, don't get me wrong. Running out of fantasies when all we got in here. Et nous revoilà dans la belle découverte. Justement, moi je voulais avoir ton avis, puisque tu nous en as parlé, Anthony, de cette chanson Extra Mile. Ce que je trouvais intéressant, c'était vraiment le parallèle entre la première chanson qui est de l'album qui est Family Show et donc celle-là qui est la dernière de l'album. Ces influences très jazzy, cette introduction et ce thème qui revient de manière récurrente à la trompette et au sax ténor, qui joue le même thème et qui revient de façon très récurrente. Après, toujours ces harmonies enrichies. Le solo de sax ténor sur la fin de la chanson, c'est pas un saxo qu'on trouve dans n'importe quel style, c'est vraiment un son qui tremble un peu, où il va jouer vraiment sur le tremblement un peu du son qui fait encore une fois quelque chose de très jazz. D'accord, ok. Bah effectivement, c'est une tuerie, c'est cette chanson qui s'appelle Extra Mile. Je voulais revenir vers toi, Alex, parce ouais, que ouais. Tu nous as préparé plein d'anecdotes. Vu que c'est pas que des musiciens de luxe, c'est aussi des êtres humains avant tout. Est-ce que t'as des anecdotes, des trucs marrants et croustillants à nous donner? Ah bah ouais, bah après faut savoir que de luxe, bon, il y a quand même un symbole, il y a un totem derrière ce groupe, hein, c'est la moustache. La chanteuse Lily Boy a toujours une robe en moustache, bon c'est assez rigolo. Oui, elle a pas la moustache hein, quand même, faut le dire. Ah bah ça je ne sais pas, peut-être qu'elle les rase tous les matins, hein, ça on ne sait jamais. Mais en live ça dépote sévère. Pendant un live qui était à Lyon, le piano bon bah est tombé, la chute de l'instrument quoi. Donc bah en tant que musicien, et ben on se démonte pas et Deluxe a continué à jouer quand même quoi. Sans le piano. Bah si, a commencé. Il a joué couché ou quoi? Il a joué couché quoi. Couché. Ouais. Donc ils ont assuré le show comme ça. C'est et ça bon, marque que justement pendant ce live, c'était un truc de malade. Ils ont fini avec une bataille de paille avec le public. Donc, une bataille de paille. Parce qu'il faut c'est trouver quand même de la paille dans une salle de concert. Balancer des ballons de paille quoi. Le public et ça a duré une heure quoi. C'est vraiment un groupe à aller voir en live. Je vous le conseille si vous pouvez. À mon avis, ils vont faire le tour des festivals cet été. Donc ne les loupez pas. T'as d'autres autre anecdote comme ça ? Il faut savoir aussi que le film Les Profs de Pierre-François-Martin Laval, l'ex-Robin des Bois, ils ont participé à la BO. Voilà, effectivement. Donc, ils ont fait maintenant que tu le dis, c'est très dans la même mouvance quand même. Bah forcément, c'est eux. Oui, bah, bien sûr. Mais j'avais pas fait le rapprochement jusqu'à ce soir, donc merci Alex. C'est cadeau. Pour ceux qui suivent le Canal Football Club, et ben effectivement, il y a une des chansons aussi de Deluxe qui sert justement de tapis sonore pendant la présentation, notamment pendant la grande surface, il me semble. Donc voilà, Deluxe qu'on entend un petit peu partout, c'est les vrais artistes, les bons en fait, on sait pas qu'ils existent, mais on les entend partout. C'est vrai. Par contre, je voudrais revenir sur les festivals. Donc là, pour l'instant, ils savent pas s'ils vont tourner en festival. Par contre, j'ai quelques dates à vous donner. Malheureusement, c'est pas encore dans la région. Le prochain concert de Deluxe, c'est le 26 avril à Bourges, le 18 juin à Rouoms, donc en Ardèche, j'espère que je prononce bien, et à Paris à l'Olympia le 19 novembre. Donc il n'y a pas beaucoup de dates qui sont prévues cette année. Pour finir, je dirais juste que voilà, écoutez l'album de Deluxe parce qu'il y a pas mal de featuring assez intéressant. Et puis bon, ils tournent toujours avec le Chinese Man. Hein. Et Chinese Man, c'est quand même quelque chose de qualité comme Deluxe. Moi, je vous encourage à écouter cet album. Carrément. Et bah du coup, on va te suivre à la lettre. On va écouter cet album. Non, tiens, d'ailleurs, on va se faire un petit kiff. On va pas écouter juste une chanson. On va écouter Daniel. C'est le nom de la chanson, hein, Daniel. En featuring avec Q-Star, l'un des chanteurs principaux de Chinese Man. On écoute une reprise en acoustique tout de suite. Yo, c'est le groupe Deluxe. On est hyper content d'être avec vous. On a décidé de jouer le morceau Daniel. 3, 4. Alright ladies and gentlemen, how's everybody doing this evening? I'd like to introduce myself to you, Star. And this is the Deluxe Family Show. So girls and boys, I want to see if you're ready to get down to this one. You want to see? Let's get it. Let's get it on. I caught the latest gossip the morning after green. Cause each and every loony's got it funky to the ice cream. But you know now, it's been a show now. Our dearest birthday boy, we're part of his dream team. The fact will be caught to me in the midst of the party. I'm acting mighty naughty with my best friend Freddy. Lay them news and sense and disagree now. Is it a bit low? Your dramatic bones. Now how could this have slipped out of my brain? I never change my ways. I'm too down, stumbling with a big ego. Yeah, call me a prick, that's fine. I'm still gonna be here cause the music pays. Every day get a little bit more when I'm on tour. Never have a boring moment. From the train to the plane, I'm bigger when I'm running and I gotta get a beer in my hotel. Who's well? Off to the venue with a big crowd waiting loud as hell. Off on the stage, front row sills, then they grab another barrier. I locked in jail. I live for the man as a madness. Thin law, every section standard. It's a way of life and we're living here. Running with a Jesse J and the bandits. It's mandatory, we never road to glory. There's no doubt, so they can stop me. Play me, love me, draw me, hate me. We don't care. This is Deluxe, baby. The days expect and always from me. Jump, jump. La belle découverte, 18h-18h30. Anthony, oui, c'est encore à toi. Je fais appel à toi puisque c'est toi la caution musicale. En tout cas, l'explication et le décortiquage. Oui, j'invente des mots. Non pas des crevettes, mais de Deluxe. Alors, dis-nous tout. Comment ils font pour garder autant de patates? Eh ben, là déjà, on se rend compte qu'ils gardent la formation originale dont Tom m'a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire contrebasse, saxo, guitare et caisse claire. Là, il y a plus de batterie. Tout. Ouais, mais il y a juste la caisse claire là, finalement. Et je rappelle que quand tu dis contrebasse, ça peut être également basse. Hein. La contrebasse c'est un instrument acoustique alors que la basse c'est un instrument électrique et, qu'on branche sur un ampli. Il existe des basses acoustiques ? Oui, de plus en plus, mais c'est vrai que l'usage dans beaucoup de groupes c'est de jouer de la basse qu'on branche. Et là, pour le coup, on entend bien que c'est pas une basse classique, que c'est vraiment une contrebasse parce qu'elle a un son beaucoup plus rond, beaucoup plus chaud en fait. D'accord. Donc là, c'est vraiment pour le coup une contrebasse. Entre saxo ténor et saxo alto, je pourrais pas dire parce qu'il est dans un registre où les deux instruments peuvent le jouer. La guitare et acoustique, et donc la batterie qui se résume juste à une caisse claire. Du coup, c'est une formation qui, dans la rue, marche très très bien, puisque concernant le chant, là on se rend compte justement avec l'apport du chanteur de Chinese Man qu'on est plus sur vraiment un duo plutôt que sur les chansons classiques de l'album où Lily Boy est vraiment très prédominante sur le chanteur masculin. Allez, on se quitte sur une dernière chanson de Deluxe, ce sera du coup tout doux. Sister, take a walk under the juice, kick a few dumpsters. Fussing your spit, it ain't worth the kicking. When you're tired, go and go pony riding. Better yet, seduce your guide instructor with a little bit of luck. He comes from equal. Et oui, c'est maintenant la fin de cette émission puisqu'on approche de 18h30. On va vous laisser avec la programmation habituelle de Fadjet. Ensuite, sachez qu'à 19h, il y a Archiphonique, 19h30, le menu étudiant. Ça a été un grand plaisir de vous faire découvrir le groupe Deluxe. L'album est donc sorti le 16 septembre 2013, en tout cas pour l'album Deluxe Family Show. Il y a eu aussi l'EP Polishing Peanuts. Et puis surtout, restez à l'affût puisqu'il y a un tout dernier EP qui va sortir très bientôt. Donc restez à l'affût des réseaux sociaux. Merci à tous. Ciao. Ciao.